Notre-Dame de Paris, le temps des cathédrales sur RGM. Il est presque 8h36. On est toujours dans la matinale et on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 7 août 1944, naissance de John Glover, acteur américain, vu dans Robocop 2, Les Gremlins 2, La Nouvelle Génération, Batman et Robin, la série télé Smallville dans le rôle de Lionel Luthor, Numbers dans le rôle de Simon Kraft, New York Section Criminelle, Brothers and Sisters, The Good Wife dans le rôle de Jared Andrews ou encore The Blacklist. 1960, naissance de David Duchovny, acteur américain, vu au cinéma dans Beethoven, Zoolander, mais on le connaît surtout pour son rôle de l'agent spécial Fox Mulder dans la série télé X-Files et son rôle de Hank Moody dans la série Californication. 1962, naissance de Bruno Pelletier, chanteur québécois connu pour son rôle de Gringoire dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. 1971, naissance de Sydney Penney, actrice américaine, vue dans les séries télé Santa Barbara dans le rôle de Betty Walker, La Force du Destin dans le rôle de Julia Santos-Kiefer, Largo Winch dans le rôle de Joy Arden, Amour, Gloire et Beauté dans le rôle de Samantha Kelly, Pretty Little Liars dans le rôle de Leona Vanderwall. 1975, naissance de Hans Matheson, acteur britannique, vu au cinéma dans Sherlock Holmes dans le rôle de Lord Coward, Le Choc des Titans dans le rôle d'Ixas et la série télé Les Tudors dans le rôle de l'archevêque Thomas Cranmer. C'est également l'année de naissance de Charlize Theron, actrice sud-africaine, vue dans Piège Fatal, Braquage à l'italienne dans le rôle de Stella Bridger, Monster dans le rôle d'Elaine Wuornos qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, Hancock, Prometheus, Blanche-Neige et le Chasseur, et le Chasseur et la Reine des Glaces dans le rôle de la reine Ravenna, Mad Max Fury Road dans le rôle de l'impératrice Furiosa et plus récemment dans Fast and Furious 8 dans le rôle de Cipher. 1978, naissance d'Alexandre Aja, réalisateur, acteur et producteur français. En tant qu'acteur, on a pu le voir dans Le Grand Pardon 1 et 2, L'Union Sacrée, et réalisateur et scénariste des films Entre Chien et Loup et Haute Tension. 1979, naissance d'Eric Johnson, acteur canadien, découvert dans la série Smallville dans le rôle de Whitney Foreman. On a pu le voir dans quelques épisodes d'Esprit Criminel, dans le rôle de Sean Hutchner dans Supernatural ou encore la série Rookie Blue dans le rôle de Luke Callaghan et vu récemment au cinéma dans 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires dans le rôle de Jack Hyde. 1985, naissance de Loïc Perrin, footballeur français, professionnel depuis 2003 et qui joue depuis Saint-Etienne depuis. 1987, naissance de Sidney Crosby, joueur de hockey sur glace canadien, qui évolue en NHL depuis 2005 pour les Penguins de Pittsburgh, avec lesquels il a gagné 3 Coupes Stanley en 2009, 2016 et 2017. Double champion olympique avec le Canada en 2010 et 2014 et champion du monde en 2015. 1988, naissance d'Adrien Moerman, basketteur français qui a joué à Rouen, Nanterre, Orléans, Sluc-Nancy, à Bilbao, à Limoges, à Bandirma Benvit, à Daruzafaka Dogus, au FC Barcelone et pour la saison à venir, il jouera pour le club d'Anadolu FS Sport Kouloubou. À vos souhaits. En 1834, décédé Joseph-Marie Jacquard, inventeur du métier à tisser mécanique. En 1957, décédé Oliver Hardy, acteur américain qui forma avec Stan Laurel le célèbre duo comique Laurel et Hardy. En 2010, décédé Bruno Kremer, acteur français vu dans la série télé Maigret dans le rôle du commissaire Jules Maigret. En 2012, décédé le journaliste français Michel Pollack. Et hier, on a appris le décès de Joël Robuchon, célèbre chef cuisinier français, connu notamment pour sa fameuse purée et récompensé avec de nombreuses étoiles au guide Michelin. Il est décédé à 73 ans. Allez, on va marquer une nouvelle pause musicale avec une nouveauté. C'est Jérémy Frérot qui revient, et oui, en solo. Après l'arrêt des Frérot de la Vega, il revient avec le titre « Revoir ». À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel, non, non, non, le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel, d'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à haut. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à oh, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à oh, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire de la hauteur. Jérémy Frérot avec le titre Revoir sur le 107FM. Il est un petit peu plus de 8h43 et il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. La météo toujours aussi ensoleillée, toujours aussi chaude, hein. On est toujours en vigilance canicule, mais normalement ça devrait être la dernière journée où il devrait faire aussi chaud, hein. Ce matin on a des températures déjà comprises entre 21 et 23 degrés, cet après-midi elles seront comprises entre 32 et 35 degrés, voire peut-être même plus, mais pour aujourd'hui il y a possibilité d'orages, hein. Donc soyez quand même vigilants, des orages qui seront également présents pour la journée de demain. Des températures comprises entre 19 et 20 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés l'après-midi. Pour jeudi, cela devrait être une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 17 et 18 degrés le matin et entre 28 et 29 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler des championnats d'Europe. Tout d'abord, la natation avec la belle médaille d'or de Charlotte Bonnet remportée hier soir aux alentours de 19h sur le 200 mètres. Charlotte Bonnet qui a d'ailleurs pu savourer son titre avec son compagnon, le Suisse Jérémy Desplanches, qui lui a remporté la médaille d'or sur le 200 mètres 4 nages. C'est un couple en or. Elle était facile, je sais. À noter que Mehdi Metella, qui était qualifié pour le 50 mètres papillon, Papillon a renoncé pour privilégier le 100 mètres papillon. Un mot d'athlétisme avec le saut en longueur et la qualification de Guillaume Victorin et de Cafécien Gomis aux 400 mètres et la qualification de Mohamed Abdallah Kounta et Victor Corollaire. A noter en marteau l'élimination de Quentin Bigot, quatrième lors des derniers mondiaux. Là, il n'a pas réussi à se qualifier. Aujourd'hui, il y aura notamment le 100 mètres messieurs avec Jimmy Vico ou encore le début des épreuves de décathlon avec entre autres Kevin Mayer. Grande chance de médaille. On parle maintenant tennis avec le tournoi de Toronto, la qualification de Benoît Paire en 2-7 face à Donaldson, 6-3, 6-4, qualification de Herbert face à Ramos Vinolas en 3-7, 4-6, 6-3, 6-4. Aujourd'hui, Lucas Pouille affrontera Ogier Aliassime et Jérémy Chardy sera opposé à Chapovalov et Adrien Manarino lui affrontera Cuere. Il y aura également les matchs de Stan Wawrinka ou encore Novak Djokovic. Côté féminin, le match d'Alizé Cornet et de Maria a été suspendu. La Française a perdu le premier set 6-4 et elle mène 2-1 dans le second set. Le match reprendra donc aujourd'hui. À suivre également Mladenovic face à Azarenka et Caroline Garcia opposée à Rybarikova. Et on était qu'en football avec le mondial U20, la France affrontera demain la Nouvelle-Zélande. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale. Je vous en dis pas plus. Forcément, vous l'avez entendu, notamment cet été. Yeah. C'était les Magic System, Magic in the Air. Hein. Vous n'aviez pas pu y échapper hein, pendant cette Coupe du Monde. Hein. C'était, si on peut dire, hein, l'hymne de l'équipe de France. Ça fait du bien de se rappeler ces bons souvenirs qu'on a vécu le mois dernier. Allez, il est presque 8h51 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend tout au long de cette journée. À 9h, durablement vôtre. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur par l'IA. 16h, rediffusion de Jukebox. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'aime et je vous le lis avec Dominique. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.